Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Mathilde Icard et Emilien Ruiz de m'avoir invitée dans une vie de praticienne RH en particulier, mais tout praticien, tout haut fonctionnaire. On a peu l'occasion de partager des réflexions sur sa pratique, de mettre en perspective dans un ensemble plus vaste ce qu'on fait au quotidien. Donc, je suis vraiment très contente de pouvoir intervenir ce matin et de partager avec vous le fruit de 16 ans maintenant d'expérience professionnelle, majoritairement dans les collectivités territoriales. Moi, je suis administratrice territoriale depuis 2009, mais aussi un petit passage à l'État assez récemment, avant de rejoindre, comme le disait Mathilde, le département de la Seine-Saint-Denis. Donc je vais répondre d'emblée à la problématique que m'a imposée Mathilde Icard. JPEG, tarte à la crème ou usine à gaz. Et je vais y répondre d'emblée, comme ça je saute directement à la conclusion. Les deux. Et je pense même au-delà, la JPEG, c'est, je pense, une forme de mirage technocratique que Clémence Cardonquin, je pense, a très bien décrit. C'est-à-dire qu'on construit intellectuellement un très bel objet, de la programmation, de la pluriannualité, un plan. On va dérouler, et le réel nous percute, et le réel, c'est le politique, le réel, c'est la vraie vie des gens, le fait qu'on gère de l'humain et non pas des cases d'un tableau Excel dans la vraie vie. Donc voilà, pour moi, la problématique est celle-là. Cependant, je vais quand même parler de JPEG, parce que même si, en réalité, moi, je n'ai jamais vu de JPEG, je pense que ça n'existe pas en tant qu'objet technocratique, ça renvoie à un vrai enjeu, quand même, dans la fonction publique. Enjeu que je propose de définir de la manière suivante, c'est la capacité de la puissance publique à répondre aux besoins de services publics de manière réactive, adaptée, avec des agents publics qui sont présents, compétents, en bonne santé, et donc en un mot, je dirais, des agents publics au rendez-vous. Voilà. Donc pour moi, c'est ça dont on traite aujourd'hui, donc on peut l'appeler JPEG. Ça ne me gêne pas, mais je ne pense pas que la JPEG existe. J'ai prévu trois temps un peu de réflexion. D'abord, vous parler un peu... à mon sens, de ce qui fait les caractéristiques de cette JPEG dans la vie des collectivités territoriales, qui est, par certains aspects, similaire à ce qu'on rencontre à l'État, mais par d'autres, je pense, assez différente. Dans un deuxième temps, vous parlez de la JPEG en pratique, quand on est dirigeant territorial, quand on est DRH, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Ça recouvre quelles actions, quels documents, quelles formalisations ? Et un troisième temps, plus d'ouverture de la réflexion sur, à mon sens, tout ce qui fait le caractère délicat de tout exercice prospectif, quel qu'il soit. Et donc, qui fait qu'à mon sens, la JPEG, c'est moins imaginer et planifier l'avenir que se dégager aujourd'hui des marges de manœuvre pour pouvoir agir sur le réel. Voilà, les trois temps que je vous propose. Donc, je démarre d'abord par les caractéristiques de la JPEG en collectivité. Un rappel chiffré rapide, la fonction publique territoriale, c'est 2 millions d'agents publics aujourd'hui. Et pour illustrer, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est 7500 agents territoriaux, avec un flux de recrutement et de départ annuel entre 700 et 1000 agents. D'abord, dire que la JPEG en collectivité, elle ne... prend pas sa source là où la JPEG prend sa source dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'on parle de JPEG dans la fonction publique par transfert de ce qui se passe dans le secteur privé. Et dans le secteur privé, la JPEG voit le jour pour la mise en œuvre de plans sociaux. Or, dans la fonction publique, pour l'instant, nous ne sommes pas soumis encore à des plans sociaux. Donc, je pense que ça, c'est un élément très important à avoir en tête et qui explique aussi pourquoi ce concept s'applique si mal aux réalités, en tout cas de l'emploi dans les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on ne va jamais sortir massivement de l'emploi des agents publics. Voilà, ça n'existe pas. On ne sait pas le faire. parce que c'est un emploi protégé et puis parce que les principes du service public, qui sont la continuité, la mutabilité, ne permettent pas, ne nous autorisent pas, voilà, ni au plan pratique, ni au plan moral, à nous séparer de grandes cohortes d'agents d'un coup d'un seul. Voilà. Autre caractéristique de la GPEC en collectivité, c'est que c'est un sujet qui a énormément de profondeur, puisqu'il renvoie et à la carrière de l'agent public, qui déroule jusqu'à 62 ans et plus si affinité, et aux enjeux de maintien dans l'emploi, puisque dans le secteur public, contrairement au secteur privé, on est tenu de maintenir dans l'emploi l'agent tant qu'on peut, et donc d'aménager les postes tant qu'on peut, et de reclasser, je vais en parler un petit peu plus après, de reclasser sur d'autres emplois pour faire en sorte que l'agent ne sorte de l'emploi définitivement que si toutes les mesures ont été mises en œuvre par l'employeur. Cette mesure, elle nous oblige et elle a un impact, évidemment, sur la manière dont on mène la GPEC. Troisième caractéristique de la GPEC en collectivité qui recoupe un élément qui a été très, très bien expliqué par Clémence Cardon-Quin, c'est la temporalité du politique et du mandat. C'est-à-dire que le calendrier de la GPEC n'est jamais le calendrier du politique. Hein. Ça, c'est jamais, jamais. Ça ne se recoupera pas. Et donc, la GPEC est sans cesse percutée par le cycle des mandats. Voilà. Autre élément, à mon avis, important à avoir en tête, pour les collectivités territoriales, je pense qu'il en va peut-être un peu différemment à l'hôpital. On a une autonomie financière limitée dans les collectivités territoriales et donc notre gestion des emplois, elle est contrainte par le flux et le reflux des dotations de l'État. Donc, selon les années, on va pouvoir créer plus de postes ou devoir en supprimer. Et ça, ça ne nous appartient pas, c'est-à-dire qu'on le subit. On a une capacité à l'anticiper qui est quand même, somme toute, relativement limitée. Alors après, je pense que des praticiens de 30 ans dans les collectivités finalement font avec ce cycle qui doit être tous les 5-6 ans, en gros, on va pouvoir recruter un peu plus, puis il va falloir diminuer. Donc c'est une pompe de flux-reflux, comme ça, qui guide un peu notre prospective, mais dont on ne connaît pas bien le cycle, quoi. Autre élément de la GPEC, des compétences des collectivités qui sont déterminées par le législateur. Donc, je prends l'exemple du département de la Seine-Saint-Denis ou de tous les départements de France d'ailleurs. Avant la loi NOTRe, avant la loi MAPTAM, on avait une compétence en aménagement du territoire. Donc, on avait des gens qui faisaient de l'aménagement du territoire dans les services. On avait des aménageurs. Voilà, c'était leur métier. Les urbanistes, ils faisaient de la planification urbaine, ils faisaient de l'aménagement des transports, des mobilités, des schémas. Voilà. Ah, on perd la compétence. Bon, bah là, la GPEC, nos urbanistes, ils sont toujours là aujourd'hui. Hein. On les a toujours au département, sauf que ils ne font plus en tant que tels de la politique publique, ils participent à de la politique publique qui va être mise en œuvre par d'autres. Donc nous, en tant que RH, comment on gère ça ? Et puis enfin, dernier point important à mon avis sur le contexte spécifique à la territoriale, c'est la question de l'échelle à laquelle on va traiter cette gestion prévisionnelle des emplois. Puisque la taille des collectivités, vous le savez, est très hétéroclite, il y a de toutes petites collectivités, de très grosses collectivités, et selon la taille de la collectivité, on a plus ou moins de moyens de gérer à long terme l'emploi et les compétences. Quand vous avez 10 agents dans une collectivité et que vous avez n'importe quel événement, d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui se produit et qui fait que vous devez revoir la voilure, c'est très compliqué si vous ne pouvez pas redéployer des agents, des compétences dans d'autres collectivités ou d'autres institutions partenaires ou voisines. Voilà. Donc l'échelle à laquelle on pense la GPEC dans la fonction publique territoriale, elle a toute son importance. Voilà à très grands traits, hein, mais on pourra peut-être après discuter plus dans le détail de ces éléments-là, ce qui fait la caractéristique de la gestion prévisionnelle dans le monde des collectivités territoriales. Donc pourquoi je dis mirage technocratique ? Parce que donc, moi j'ai commencé à travailler il y a 16 ans dans les collectivités territoriales, et donc à l'époque on parlait de vagues de départ en retraite. Je m'en souviens, on en parlait tout le temps. va y avoir des vagues de départ en retraite, la vague de départ en retraite va arriver, attention la vague. Et puis, on est passé, clac, clac, quasiment en 2 ans, de crise du recrutement, problème d'attractivité. On n'a pas du tout anticipé la vague, en réalité, à mon sens. Hein. Alors ça, je ne sais pas si c'est... Il y a des études là-dessus, mais en tout cas, moi, en tant que praticienne, c'est ce que j'ai constaté. On a parlé de la vague, on a vu la vague, on a subi la vague, et après, on s'est dit, mince, il faut qu'on fasse de l'attractivité. Voilà. Donc, limite de la GPEC, c'est qu'en fait, à un moment, il y a tout ce qu'on peut anticiper, ce qu'on aurait pu anticiper, et puis la capacité à nous, DRH, et à nous, organisation, de gérer et de mettre en œuvre concrètement. De réorienter des trajectoires, notamment d'emploi, quoi. Ce qui est quelque chose en réalité très très compliqué. Voilà. Donc ça m'amène à ma deuxième partie sur la GPEC en pratique, parce que je ne veux pas laisser croire qu'on ne fait rien et qu'il ne se passe rien, puisque je trouve qu'au contraire, le service public territorial fonctionne plutôt de bonne manière, qu'on est plutôt au rendez-vous, et que de manière générale, voilà, le service public local est bien rendu aujourd'hui en France, pas partout, avec de l'hétérogénéité, mais bon, globalement. On est là, quoi. Alors, la GPEC en pratique, est-ce que c'est de l'anticipation? Est-ce que c'est de l'action? Est-ce que c'est de la réaction? C'est un peu ça qui fait toute la question. Donc, moi, quand j'étais élève à l'INET, mon premier stage, c'était département de Lyon, à la direction des ressources humaines. Donc, on m'avait dit, il faut faire un plan GPEC pour le département. Alors donc, j'étais dans un bureau toute seule à la DRH, et puis j'ai fait comme on m'avait appris à l'INET, pas du Gantt, mais le mind mapping. Voilà. Donc on fait des bulles avec des métiers, et puis on se dit, alors attends, ce métier-là, peut-être après, sur ce métier-là, il pourrait peut-être faire cet autre métier-là, et puis on construit tout un truc très beau d'ailleurs, de parcours théorique dans la collectivité. Donc j'avais travaillé là-dessus, j'ai fait 100 EO pendant 4 semaines. En préparant aujourd'hui, j'ai voulu retrouver le truc et je ne l'ai pas. Je l'ai perdu. J'étais mortifiée. Mais surtout, ce qui me mortifie, c'est que ça n'a été vraiment, à mon avis, d'aucune utilité au département de Lyon. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que la GPEC, c'est l'archétype de l'usine à gaz technocratique. C'est-à-dire qu'on se fait plaisir et on a besoin. Enfin voilà, moi je ne porte pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire c'est tellement compliqué qu'on a besoin de le rentrer dans des cases et de faire un schéma. C'est normal. Enfin, mais sauf que ça ne va pas fonctionner comme ça dans la pratique. Donc ça, c'est l'illusion de départ que moi, j'avais aussi en tant que jeune élève administratrice, de me dire, je vais rationaliser tout ça, vous allez voir, ça va rouler. Ça n'a pas marché. Ce qui est bien, c'est que je l'ai appris très tôt. Donc comme ça, après, j'ai arrêté tout tableau et puis j'ai perdu toute compétence sur les outils informatiques du même fait. D'ailleurs, j'avais même oublié le nom du mind mapping. Concrètement, la GPEC, quand on est RH en collectivité, c'est des mutations à accompagner. C'est ça qui va se passer. Ça va être moins d'anticiper ce qui va se produire que d'accompagner ce qui se produit tout de suite maintenant. Qu'est-ce qui se produit tout de suite maintenant? Un changement politique. Ça arrive très régulièrement. Un changement politique, ça va notamment être, par exemple, le fait de se dire, on va revoir les modes de gestion. Je prends un exemple. Une ville, mettons, elle était communiste, elle va passer à droite. Les élus de droite vont interroger le fait qu'on est en gestion directe et en régie un crématorium ou une piscine, par exemple. Parce que c'est des métiers pénibles, on est en concurrence avec le secteur privé. Finalement, pourquoi on gère avec des fonctionnaires ce truc-là qu'on pourrait externaliser au privé et puis ce serait plus simple, quoi. Donc, ça va être ça, la GPEC, et ça existe de se dire, on va fermer la piscine municipale, on va la confier en gestion à une structure privée. Moi, ça, je l'ai vécu quand je travaillais au centre de gestion de la Petite Couronne. On avait accompagné une commune qui a fait ça, pour tout un tas de raisons qui lui appartiennent. Et donc, on se retrouve à ce moment-là avec ce qu'on appelle, dans la fonction publique, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, les FMPE. Ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais qui existe. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire qui n'a plus d'emploi, il faut quand même bien qu'il continue d'être fonctionnaire. Donc, dans la fonction publique territoriale, il est pris en charge par le centre de gestion qui fait structure ressources, accueil, filet de sécurité. Autre mutation qui peut être liée aux politiques, ça va être des inflexions dans les politiques publiques prioritaires. Par exemple, moi, j'ai travaillé à la ville de Chambéry, qui était à droite. En 2021, ça a basculé à gauche. La nouvelle municipalité voulait mettre l'accent sur la transition écologique et l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, ben, on n'avait aucun poste dédié à ces sujets-là dans l'organisation. Donc, ça veut dire créer, à ce moment-là, des postes qui vont prendre en charge ces sujets-là et les faire vivre dans l'organisation. Ça, c'est sur les mutations politiques. Ensuite, il y a des mutations technologiques. Alors ça, c'est plus... Vous avez très bien parlé de l'informatique qui vient modifier la manière dont on gère... Enfin, modifier, puis finalement, pas tant que ça, la manière dont on gère les emplois et les compétences. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc je suis obligée d'en parler là, ce matin. Même si, pour l'instant, j'ai franchement pas grand-chose à en dire. Par exemple, dans les départements... on gère les maisons départementales des personnes handicapées qui délivrent un certain nombre de décisions et de prestations. Au département de la Seine-Saint-Denis, notre MDPH, elle délivre 141 000 décisions par an. Bon, évidemment que sur la base de critères réglementaires, d'analyse de dossiers individuels, etc., l'IA, ça va nous permettre de faire quelque chose, c'est certain. En termes d'automatisation, de pré-analyse, etc. Pour autant, là, aujourd'hui, 12 décembre, je ne peux pas vous dire, oui, on va supprimer 10 postes de catégorie C qui, actuellement, rangent les dossiers dans les différentes bannettes selon le premier niveau d'analyse. Je ne sais pas le dire. Mais oui, bien sûr que les différentes mutations technologiques viennent percuter notre gestion des emplois et nous forcent à reconvertir et à réfléchir à la manière dont on travaille. Mais pourquoi je dis que je ne suis pas prête aujourd'hui sur l'IA ? Parce que ce que je constate, c'est qu'il ne faut pas non plus aller trop vite sur certaines mutations. Par exemple, sur le téléphone. Je ne sais pas, il y a 10 ans, on s'est dit, le téléphone, c'est bon, maintenant les gens ils vont faire leur démarche sur Internet, on va peut-être un peu limiter le standard, etc. Mais aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a tout un pan de la population qui demande des renseignements au service public par téléphone, en fait. Le téléphone, ce n'est pas du tout has-been. Donc nous, on a mis en place au département de la Seine-Saint-Denis tout un plan téléphone qui nous conduit à réinterroger ce qu'on répond en premier niveau, etc. Donc, c'est devenu, le téléphone, quelque chose de très important dans la manière dont on rend le service public de manière adaptée. Donc, c'est pour ça, sur ces sujets de mutation, je pense que notre rôle en tant que DRH, c'est d'être à l'écoute des signaux faibles. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut qu'on se renseigne sur l'impact de l'IA, il faut qu'on soit au fait de ce qui se passe, c'est pas de dire, oh là là, tout ça, là, je suis pas prête. Mais c'est pas d'aller trop vite non plus en besogne, quoi, parce qu'il faut pouvoir mesurer les impacts, etc. Et donc, en disant ça, je redis d'une autre manière que la GPEC technocratique, du coup, ne fonctionne pas, puisqu'il faut attendre, tester, expérimenter, voir comment ça bouge pour prendre des décisions. Donc, on ne peut pas avoir 3 ans d'avance, quoi. Ça me semble pas possible. Voilà un peu sur les pratiques. Je voulais donner quelques exemples assez très concrets. Par exemple, au département de la Seine-Saint-Denis, comment on anticipe quand même un petit peu la gestion des emplois. Eh bien, par exemple, ça va être au moment où on va travailler sur les enveloppes de masse salariale annuelle allouées à chaque direction, que la DRH fournisse à la direction la liste de tous les agents qui ont plus de 62 ans dans la direction. Ça, c'est simple. On peut le sortir du logiciel RH sans faire moult requêtes hyper compliqué, qui donne des listes pas à jour. Et ça permet à chaque direction de s'emparer du sujet et de se dire, oui, en effet, franchement, on a en gros 15 agents qui ont plus de 62 ans, qui sont tous des gestionnaires de dossiers. Il est peut-être temps de s'interroger sur est-ce qu'on fait évoluer le logiciel pour qu'il automatise certaines tâches, etc. Voilà, donc très concrètement, petite chose simple, mais je pense de la GPEC, un peu de la vraie GPEC efficace du quotidien, ça va être ça. Il faut quand même dire, je pense qu'on est limité par nos logiciels RH encore aujourd'hui, particulièrement dans le secteur public, hein, et je pense que le secteur privé, de ce point de vue, a un coup d'avance sur nous, puisque eux, ils ont déjà plugué des IA sur leur logiciel RH. Nous, enfin, moi, ce que j'ai constaté sur tous les postes que j'ai occupés, c'est qu'on est toujours très à la peine sur les logiciels RH, qu'on est toujours dans des bras de fer avec les éditeurs, qu'on a toujours un temps de retard. Et ça, c'est vraiment un boulet. Voilà, on a un boulet pour la gestion prévisionnelle des emplois, quoi. Voilà. Sans jeter la pierre, évidemment, à Cyril et Nex Publica. Troisième temps, sur le caractère délicat de l'exercice prospectif. Alors, ce n'est pas du tout pour dévier le tir et dire on n'y arrive pas, on ne sait pas faire, et puis ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Mais je pense que la GPEC, elle doit s'incarner dans nos manières de faire RH par autre chose que des tableaux Excel prévisionnels et des plans de recrutement qu'on ne mettra jamais en œuvre. Concrètement, je pense réussir la gestion prévisionnelle des emplois, c'est d'abord bien connaître son organisation. Or, aujourd'hui, et vous l'avez un peu dit sur les données, la qualité de la donnée, aujourd'hui, on est encore à la peine, je pense, dans un certain nombre de collectivités, c'est moins vrai dans les grandes, mais je pense encore dans les petites, pour bien connaître son organisation, le nombre d'agents. Voilà. Sont-ils titulaires ? Quel est leur statut exact en termes d'activité ? Est-ce qu'ils sont en CLM, en CLD, en DO ? Enfin, voilà. Je pense qu'on a encore aujourd'hui du mal à avoir une idée précise de ça. Or, cette connaissance, le fait de maîtriser la donnée, le fait de connaître très très bien son organisation, ça permet d'anticiper beaucoup mieux les évolutions. Alors, on a quand même beaucoup progressé sur ce sujet de la connaissance des collectivités avec les fiches de poste. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de fiche de poste sur les différentes fonctions occupées. Donc, on n'avait pas écrit les métiers des gens. Donc, évidemment que là, vous ne pouvez rien construire de macro quand vous ne savez pas ce que font les gens. Or, en territorial, c'est quand même 380 métiers différents. Donc, c'est un chantier en tant que tel de faire ces fiches de poste. Donc, ça, c'est beau. C'est beau qu'on l'ait fait. Je pense que ça a été fait aujourd'hui partout. On s'appuie dessus pour l'évaluation professionnelle. Et ça, c'est un ensemble d'outils utiles, importants, qui témoignent aussi de la reconnaissance envers le travail des agents, il ne faut pas perdre cette vue, et donc qui permettent de mettre en place un peu de gestion prévisionnelle. Donc là, je ne suis pas en train de dire qu'on fait de l'exercice prospectif, je suis en train de dire qu'on progresse déjà pour avoir une photographie juste à l'instant T de l'organisation qu'on pilote. Et je pense que ça, c'est vraiment le socle minimal essentiel pour ensuite pouvoir prétendre gérer sur l'avenir les emplois et a fortiori les compétences. Je vais y venir après sur les compétences. Concrètement, je pense que ce vers quoi nous on tend au département de la Seine-Saint-Denis pour piloter au mieux et anticiper au mieux les évolutions, c'est développer notre capacité à ce que j'ai appelé corriger une trajectoire. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir... On a globalement quand même une trajectoire, c'est-à-dire on sait où on va, on fait chaque année un rapport d'orientation budgétaire, on dit voilà, la masse salariale, elle va prendre 1%, 1,5% tous les ans, on a une trajectoire. Mais on sait qu'on ne va pas l'appliquer, la trajectoire, je viens d'expliquer, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Donc, notre capacité à corriger une trajectoire, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des marges de manœuvre. On ne peut pas être verrouillé dans notre trajectoire. Et ça, c'est notamment un sujet dans un grand nombre de collectivités, c'est d'avoir un peu de marge de manœuvre sur la masse salariale pour réorienter notamment des choix de politique publique. Je prends l'exemple de Chambéry. Chambéry, la gauche arrive au pouvoir. Donc, je vous dis, ils veulent développer davantage de transition écologique, de participation citoyenne, etc. Ils ont un projet ambitieux. Ils veulent créer des postes, etc. Sauf que masse salariale très très contrainte, globalement collectivité qui a peu de marge de manœuvre financière, comme beaucoup de communes de cette taille-là. Et là, on dit, bah oui, mais du coup, on va les prendre où ? Parce que on peut pas créer ex nihilo, quoi, surtout en début de mandat, c'est quand même très compliqué. Et à Chambéry, il y avait toutes les fonctions techniques en régie. C'est-à-dire, on avait un garage automobile avec les garagistes, les menuisiers, vous aviez tous les corps de métier, tous les artisans étaient des salariés, enfin des agents municipaux. Bon, là, vous ne pouvez rien réorienter quand vous avez un verrou comme ça. C'est-à-dire que vous êtes obligé de dire, on va du coup revoir les choix, mais dans 5 ans, dans 10 ans, au fur et à mesure des départs en retraite, etc. Et donc, c'est important. Alors, je ne dis pas du tout qu'il faut externaliser. Attention, il ne faut pas me faire dire. Je ne dis pas qu'il faut externaliser toutes les fonctions techniques. Je dis juste que nous, notre rôle en tant que dirigeant en charge des RH, c'est de s'assurer qu'on peut avoir un peu de marge de manœuvre pour réorienter une trajectoire, notamment politique, et à mon avis, notamment dans les communes, où c'est vraiment un niveau où vous devenez maire, vous voulez changer quelque chose, vous voulez influer sur le destin de la ville, quoi. Et si vos équipes vous disent « Non, on peut pas, là, on peut rien faire, on peut rien faire », c'est pas possible, c'est pas entendable pour un élu local. Voilà, donc les marges de manœuvre, donc notamment sur la masse salariale. Et puis, je pense aussi que la capacité à corriger une trajectoire, c'est utiliser tous les outils statutaires qui sont à notre disposition sur le recrutement. Donc notamment, parce qu'on recrute, aujourd'hui on recrute très peu de, enfin en tout cas nous au département de la Seine-Saint-Denis, on recrute très peu de titulaires, on recrute énormément de contractuels, de contrats aidés, d'apprentis, etc. Mais on a une structure de l'emploi qui a énormément évolué ces dernières années. Et donc ça permet, en diversifiant ces voies de recrutement, je trouve que c'est quelque chose de positif sur plein d'aspects, de pouvoir se dire on va recruter davantage d'apprentis sur ces métiers en tension, sans forcément avoir des perspectives à très long terme de pérennisation de ces emplois. Mais voilà, ça permet une souplesse, je vais le dire comme ça, qui est importante en matière de gestion prévisionnelle. Deuxième élément, et deuxième capacité qu'à mon avis on doit développer, c'est notre capacité à reconvertir des agents. Parce que comme je l'ai dit, hein, notre spécificité dans la fonction publique, c'est le maintien dans l'emploi. Pour moi, je trouve que c'est un défi splendide, franchement. Je trouve que c'est quelque chose de très beau dans l'emploi public, de se dire « je vais dérouler une carrière sur peut-être différents métiers, dans différents cadres d'emploi pour ce qui concerne la fonction publique territoriale ». C'est quelque chose d'extrêmement moderne. Voilà. Et alors nous, ça nous, vraiment, en tant que DRH, ça nous oblige beaucoup. Pourquoi on dit toujours que c'est un défi, cette reconversion des agents? Déjà parce que ça oblige à gérer des trajectoires professionnelles par les compétences. Or, on ne recrute pas par les compétences. On recrute par le diplôme. Mais comme dans le secteur privé, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas. Globalement, en France, on ne sait pas recruter par la compétence et faire évoluer les gens sur leurs compétences. On va regarder, en gros, c'est diplôme, expérience. Voilà. Le logiciel global RH, et ça, il faut que les jeunes fassent vraiment bouger ça dans les décennies qui viennent. C'est qu'il faut qu'on sache évaluer et faire évoluer les agents et même les salariés par les compétences. Donc, comme on ne recrute pas par les compétences, quand on dit ensuite qu'il faut reconvertir les agents, alors là, c'est tout un programme, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils savent faire, déjà, à l'origine, et encore moins ce qu'ils vont savoir faire demain, du coup, parce qu'on n'arrive pas à évaluer leur potentiel, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de complexe. Au département de la Seine-Saint-Denis, on a construit un dispositif qui fonctionne bien, qui s'appelle l'école des transitions professionnelles et des mobilités, qui est une école de reconversion interne. Actuellement, pour vous donner une idée, on a 72 agents dans cette école. C'est 1% de notre effectif, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, dans cette école interne, on va reconvertir des auxiliaires de puériculture en gestionnaires carrière-paye. Voilà. On va prendre les gens comme ils sont, avec ce qu'ils savent faire. On va s'adapter à leurs envies, leurs besoins, et puis les repositionner dans notre organisation à un autre endroit où, globalement, on a du mal à recruter. Parce que l'objectif, c'est quand même ça. Ça fonctionne bien. Mais alors, quelle énergie dépensée? Et argent aussi, d'ailleurs. Enfin, surtout énergie. Parce qu'on n'est pas doté d'outils, finalement, de formation de reconversion. Nous, on a construit le truc en interne, mais on peut dire la même chose au niveau national. On n'a pas d'opérateur qui sait mettre en œuvre de la reconversion, même sur les métiers territoriaux. Donc, on travaille cette problématique majeure de manière artisanale, qui fonctionne plutôt bien, mais qui, dans notre contexte démographique actuel, avec le recul de l'âge de départ en retraite et notre pyramide des âges vieillissantes, j'étais obligée de placer ça. Pyramide des âges vieillissantes, voilà. Elle ne va pas suffire. Tu ne vas pas pouvoir gérer un problème industriel avec des outils artisanaux. Enfin, vraiment, ça devient vraiment compliqué, quoi. Donc voilà. Et donc ça c'est le gros enjeu, à mon avis, macro, GPEC, dans la fonction publique territoriale, c'est ça. C'est notre capacité de reconversion avec des outils internes et au sein de la fonction publique territoriale. Voilà. Et donc je vais conclure parce que je pense que j'ai été trop longue finalement. Je pensais que j'en avais pour 5 minutes. Et voilà. Je suis tellement contente de partager tout ça avec vous. Peut-être deux éléments en conclusion. Peut-être deux idées à retenir. Et puis du coup, je partage aussi une conviction personnelle. Si on veut réussir à la gestion prévisionnelle des emplois, il faut qu'on arrive, à mon avis, à maintenir en santé les agents qu'on a déjà et à attirer des nouveaux agents qu'on va réussir à maintenir en santé. Voilà. Donc ça veut dire apporter une vraie attention aux conditions de travail. Alors on a beaucoup progressé sur ce sujet-là, mais on a encore, à mon avis, grand champ à labourer. Mieux gérer la conciliation entre les pathologies, et notamment les pathologies chroniques, et le travail. C'est un chantier majeur, on est mal outillé sur ce sujet-là. Or, si on arrive à faire ça, on progresse en matière de maintien dans l'emploi, et donc ça permettra davantage de fluidité et de souplesse dans les parcours individuels des agents. Tout ça, évidemment, est lié. Et donc, il faut qu'on se félicite aussi des mesures de progrès social qu'on a actuellement dans la fonction publique territoriale, et notamment la proposition de loi qui a été adoptée pas plus tard qu'hier, c'est vraiment chaud, qui permet de rendre obligatoire la prévoyance pour les agents territoriaux. Et ça, c'est lié à la gestion prévisionnelle des emplois. Parce que, juste, je fais une parenthèse, je termine là-dessus, prévoyance des agents, pour les étudiants qui sont dans la salle, je ne sais pas s'ils savent ce que ça recouvre, quand on est fonctionnaire et qu'on est en arrêt maladie long, et quand je dis long, c'est au-delà de 3 mois, donc ça va vite, on perd la moitié de sa rémunération. C'est-à-dire qu'on est sur un statut, finalement, qui est très précaire. Et je dis la moitié, mais c'est un peu plus compliqué que ça, finalement. Tout bien calculé, vous restez avec 25% de ce que vous gagnez en net avant. Mais bon, voilà. Et on n'avait pas de système d'assurance obligatoire. Donc les agents qui pouvaient, ils s'assuraient. Donc quand ils tombaient malades, tant mieux pour eux, leur rémunération était maintenue, moyennant une assurance assez chère. Et puis bah, les autres basculaient plus ou moins dans la précarité. Enfin bon, ça dépendait aussi des contextes familiaux, etc. Là, avec cette proposition de loi, et merci à nos élus locaux et à nos élus nationaux de l'avoir portée, nous, employeurs, on va être obligés d'assurer cette couverture prévoyance des agents territoriaux. Donc ça veut dire qu'on va favoriser le maintien en santé et le maintien dans la vie active de ces agents-là. Voilà. Et dernier élément pour conclure, et donc reboucler sur ce que j'ai dit au début, par satisfaction intellectuelle, pourquoi le concept de GPEC ne trouve pas à s'appliquer, c'est qu'il se heurte en permanence à la complexité du réel. Et la complexité du réel, c'est quoi? C'est à la fois qu'on gère des organisations humaines, donc de facto qui se prêtent très mal à la prévisibilité, et comme j'ai essayé de l'expliquer au début, qu'on avance dans un contexte qui est extrêmement mouvant et dans lequel on a énormément d'éléments sur lesquels on n'a aucune maîtrise, notamment le politique, mais pas seulement, les mutations technologiques de la même manière. Et donc, on essaye de mettre en place des politiques de prévisibilité dans des environnements qui sont totalement imprévisibles. Donc, c'est pour cette raison-là, à mon sens, que le concept GPEC est voué en tant que tel à l'échec.